Le restaurant Midas de Saint-Félicien fête son 50e anniversaire et pour le mois de mai, on vous offre 3 morceaux de poulet frit avec sauce, frites, salade de choux, pain et Coca-Cola pour seulement $7,50 plus taxes. Du poulet frit à ce prix-là, on serait fou de s'en passer. Livraison 418-679-0900. Le restaurant Midas fête ses 50 ans au 1084 route 169 Saint-Félicien. Venez fêter avec nous en profitant de ce rabais du mois de mai sur le poulet frit. 3 morceaux, 7,50 plus taxes. On va parler avec notre ami Régent Côté. J'ai pas pu me présenter à la conférence de presse. J'avais une conférence de presse à Saint-Félicien ce matin où on a annoncé la 14e édition des régates de Saint-Félicien également. La course de vélo qui va avoir lieu un peu plus tard. On en parle avec Régent Côté. Salut, Régent. Salut, Danny. Régent, 14e édition. Ça passe vite en tabarouette. Hey, Colin, on dirait 14 jours puis 14 ans, c'est la même affaire. Ça fly, ça va vite, sans bon sens. Quand vous avez commencé ça, là, 14, est-ce que vous aviez des visées pour 14 éditions ou c'était une année à la fois? Ça ne devait pas être facile au début, hein? Non, surtout au début. Bon, on parlait dans le temps de l'agenda 21, puis des gens qui, pour l'environnement, puis tout ça, fait qu'on a fait évaluer des études environnementales comme de quoi que on est mieux après qu'avant quand il y a une compétition de régate. Et puis, c'est toutes sortes de choses comme ça là qu'à prouver aux gens qu'on est un moteur économique dans la région et puis que ça a sa place chez nous. Y a-t-il une étude qui a été faite finalement? Parce que vous deviez le faire, je pensais, au cours des dernières années avec la cégep de Saint-Félicien. Ça a été fait, ça? L'impact économique des régates? Non, on en est là. On en parle beaucoup depuis la fin de l'an passé, à savoir qu'est-ce que ça rapporte, les régates. Pour nous autres, directement, c'est difficile à quantifier parce que les gens, bon, ceux qui ont des terrains privés se font des gros parties. Il y a des bonnes quantités de gens sur les terrains privés. Mais de notre côté, on sait qu'on a 75 équipes. Ça, c'est toutes des mécaniciens avec leurs femmes, les enfants. Fait que c'est des groupes de 12-14 par embarcation. Puis on a environ 75 embarcations. Fait qu'on peut dire qu'il y a 800 personnes environ de l'extérieur qui viennent chez nous ce week-end-là. Qui dépensent environ facilement 200 $ par week-end, hein, par coupe. Hein. C'est pas exagéré de penser ça, hein? Non, c'est ça que ça pensait 3 nuits de motel, l'exemple. Ah oui, on vient de défoncer le budget pas à peu près. Oui. Maintenant, c'est des gens qui doivent retourner chez eux, donc leur véhicule fonctionne avec de l'essence. C'est des gens qu'on voit aller s'acheter une caisse de bière pour festoyer le soir. Les restaurants, c'est plein. On a essayé de louer une chambre à un conducteur l'an passé qui avait omis de commander sa réserver une chambre. Puis le seul endroit qui restait disponible, c'était à Alma. Les gîtes étaient pleins, les auberges, les hôtels, les motels. Tout même ici, à Dolboum-Sassigny, il n'y avait plus rien? Plus rien. Puis sait que c'est un long week-end de congé. Il y a un peu de gens qui se promènent de tourisme, mais il n'y a pas de gros festival à d'autres endroits que chez nous ce week-end-là. Et puis, c'était plein, là, full en avance. On va se le dire, hein, pareil, Régent, le fait d'avoir déménagé à Saint-Jean-Baptiste, vous ne pouvez pas frapper mieux que ça, là. Ça nous fait des longs week-ends. C'est des gens qui partent de loin. Il y en a qui ont 27 heures de route à faire pour venir compétitionner chez nous. Fait que juste aller-retour, ça fait 54 heures. Fait que c'est sûr que ça lui prend 2 semaines. Oui, effectivement. Régent, moi, j'étais pas à conférence de presse. Par contre, j'ai lu les articles ce matin. Moi, je trouve que vous avez frappé un coup de circuit avec le country. Le country, il y a des gens qui viennent, qui sont des amateurs de country. C'est comme une religion, ça, le country. Hein. Il y a des gens qui arrivent avec le campeur, qui courent tous les festivals country au Québec. Là. C'est vraiment vrai. Puis ça va amener un paquet de monde supplémentaire, ça, là. Oui, ben c'est en parallèle. Hein. C'est un groupe, un autre comité à part d'une autre. Ils sont 5 personnes dynamiques. Puis, on s'est tous parlé, puis on a arrimé nos affaires, chacun de nos côtés, pour en arriver que c'est eux autres qui produisent l'animation de spectacle en soirée. Ils se produisent même de jour et de soir. Là. C'est un beau gros programme de leur côté. Et puis, on sait que les gens ici aiment ça, le country. Fait que cette année, je lui ai dit, il va falloir se mettre un chapeau de cowboy. Fait que là, j'ai dit, je vais être obligé de changer mon slogan. Attache ton chapeau, puis manque pas le bateau. C'est bon, ça. Avant, c'était mets ton chapeau, puis viens à Dolbo. Mais là, c'est vraiment bon comme slogan, Régent. Hey, dis-moi, ça va-tu pas mal être les mêmes équipes que l'année passée? Oui, ça se ressemble d'un an à l'autre. Quand il y a un changement, exemple, une équipe se désiste, elle est remplacée par une autre équipe de coureurs, mais souvent, les embarcations sont les mêmes. La mécanique change d'une équipe à l'autre. Les autres se doivent de mettre la mécanique à l'intérieur des embarcations. Mais c'est du semblant. C'est la quantité est limitée. Et puis, s'il y a une classe de 24 embarcations, ben ensuite, après 24, il y a une liste d'attente. Et puis, c'est complet pour l'année qui amène au 24. OK. Donc, c'est une course quand même qui année après année, que vous avez atteint une réputation. Peut-être pas encore Valleyfield, mais vous êtes tout de suite après Valleyfield comme crédibilité, je pense. Oui, ça fait. C'est eux autres qui viennent s'installer chez nous. Et puis, on sait qu'on a été reconnus comme étant le meilleur site. Là. Je veux dire qu'ils aimeraient même, à Valleyfield, ils aimeraient ça avoir notre rivière. Ils en ont déjà, sont dans une baie, c'est différent. Et puis, nos installations sont différentes un peu de là, mais ils ont tout qu'un achalandage. Puis, c'est une affaire rodée. On parle de plus de 70 ans d'expérience. Installation pour installation, c'est-tu mieux ici à Dolbeau-Missassini, pas Dolbeau-Missassini, mais à Saint-Félicien, excuse. C'est-tu mieux installation pour installation, là? C'est de voir les bateaux tourner. Nous, on peut les voir de partout. Tu sais, tu vois d'un détour à l'autre, tu vois passer droite, les proximités, les gens de chaque côté. Ça, ils ont les autres, les coureurs, les puits, on voit pas de où partent les bateaux. Ils partent de plus loin dans le fond d'une baie. Mmh. Et puis l'épouse, exemple, du coureur qui est en train de tourner, ben, si elle s'en vient pas vers les estrades, à peu près 1000 pieds plus loin, elle voit pas son époux en train de courir à savoir si un accident, c'est lui ou quelque chose semblable, tandis que chez nous, ils sont vraiment aux premières loges là, de voir ce qui se passe sur la rivière. OK. Dis-moi maintenant, donc, il y a des équipes d'un peu partout. C'est le 24, c'est le week-end de la Saint-Jean-Baptiste. Et je pense qu'au calendrier, c'est bien situé également. Hein, parce que il y a quand même quelques courses avant, mais c'est au milieu de la saison, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est la troisième événement de l'année. Okay. Il y en a une dans le bout du Maryland, ensuite il y a Longceau, puis après c'est nous, fait que ça nous garde, les bateaux vont être juste bien rodés, et puis il n'y aura pas eu trop de casse encore pour avoir notre quantité pas mal limite de bateaux complets. OK. Jean, parle-moi maintenant de comment ça va au niveau local. Tu sais que c'était votre rêve à un moment donné d'avoir une équipe locale. Où ça en est rendu, ça, là, ce dossier-là? C'est difficile à... C'est difficile. Ouais, hein? C'est difficile parce que s'ils veulent suivre le circuit, à l'inverse, eux autres, ils trouvent ça loin de venir ici une fois. Fait que si on a une équipe de la place qui s'en va les trouver, les 8 autres fois où ils se produisent dans le fond des États-Unis, puis ces choses-là, ben ça prend un budget épouvantable. Et puis, de partir à zéro, puis de s'insérer dans l'équipe, comme je disais, il y a des classes limitées en quantité, fait qu'ils seraient sur une liste d'attente, fait qu'ils peuvent pas se dire investir sur un bateau, mettre de l'argent là-dedans, puis tomber sur une liste d'attente qui peuvent être un an, deux ans sans avoir de place. Oui, effectivement. Il va y avoir de classes au programme dans la semaine de la Saint-Jean-Baptiste? On a toujours nos quatre classes en 2,5 litres, en Formula 2500, les Hydro 350 et les surpuissants Grand Prix. OK. Et s'il y a des gens qui veulent se procurer des billets, comment ça fonctionne? On a une prévente extraordinaire pour ceux qui veulent venir voir ça de près dans la mécanique, vivre vraiment qu'est-ce que c'est une fin de semaine de week-end, de régate et d'être aux premières loges. C'est qu'il va à 30$ en pré-vente, ça va se faire aussi sur Internet ou dans des places comme le restaurant Midas et Marco's Pub. D'autres endroits vont peut-être se greffer. On va les ajouter sur notre site Internet. À 30$, ils ont un billet pour vivre leur fin de semaine au complet sur le site de la Marina. Et puis, se joint à ça des coupons sur lesquels il y a un rabais chez Midas. Il y a un autre qui est un rabais chez Marco's Pub. On a une consommation gratuite qui vient avec. Et puis, le plus beau de tout ça, c'est qu'il y a un billet pour un tirage pour risquer d'avoir la chance de faire un tour de Grand Prix Vintage. C'est un Grand Prix qui est aussi performant que celui d'aujourd'hui. C'est un deux places, puis ça fait un tour là-dessus, là, c'est inimaginable. C'est comme un peu la F1 des régates. C'est la F1, c'est-à-dire faire un tour de F1. Là, moi, j'y pense à tous les fois que j'en parle, puis il me passe un petit frisson. C'est quelque chose que moi-même, j'ai jamais atteint. Et puis, c'est le rêve d'une vie pour un amateur d'embarcation. OK. Ben, Régent Côté, on va être là dans la semaine du 24 juin. Gros merci et au plaisir de se reparler. Parfait. Attachez votre chapeau puis mangez pas le bateau. Donc, très, très, très, très beau slogan. Régent Côté, le président des Régates de Saint-Félix.